logique, il russe j'ai un boss reconnu Ukeva. Steve Meyer, au plus Steve Brunner, affiche le jeu, Steve Brunner, Steve Harris, Steve Serva, Russe, Zina Brook, le clef, il me touche la Usro, le veux, Usse, ici, Madame Papes, à bouche de nus, et à ce qui est du bout de nus, très valé, qu'on me signore, Russe. On t'a péché pas, il croit à mort. Oh, ça va, là, juste drôme, juste noy, il m'a appelé, fait à son coup, froid, tu se leur aimes, un peu plus d'un, mais il saute les rails, là, là, fais si t'as pas le fou, oh, plus vrai, il y a le fou, fou, et moi qui sera pénant. Et, oh, oh, laisse une vue, va pas, juste, un, il fera un meuseux, là, je prie pour que ça, glace, ça, casse, ça, couche, ça, calme. Oh, me pêche, roquiste, l'arfa le trasso, venez de trois ouvres, l'arfa la trappe, avec les crèmes sur glisse, couche à rouvre, mission, les bras, non, me pas le vest, je la lave, les rameux, neige, on on, ma level, on on, ma level, on on, ma level, on on, ma level, administratif, venu, russe, une autre, mène, et juste le jus, le pénu, venu, va pali, uvali, me passe, me donne, à dix jours, ra, ouais. Et riche, et où je trouve le blasé me donne, un chistourna, au charc, et où je trouve et si je serai au charc, je suis distractif, ma et si venu, l'autre me juge, un femme à le très chelu, stylo, la guise de neige chenue, tu fracheras non, me relever, distra la lampe, si vous ne hasard relie, chaque égéé. Et ça la puce, le genre vraiment, mais c'est furus. Et chaque troupe, et chaque massé, chaque tapaille, va c'est fils à me passer, me nourrisse. L'autre tour, juge, l'autre pique, rosse l'ouste, la lampe, me j'y arrive, t'as le rosse, juge, dans son ramad, je riche. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.